Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Quatrième partie, chapitre 1. Les amoureux aiment toujours beaucoup s'asseoir ensemble sur les bancs devant les portes quand la nuit tombe. Yann et Go pratiquaient cela eux aussi. Chaque soir, c'était à la porte de la chaumière des Mohans, sur le vieux banc de granit, qu'ils se faisaient leur cours. D'autres ont le printemps, l'ombre des arbres, les soirées tièdes, les rosiers fleuris. Eux n'avaient que des crépuscules de février, descendant sur un pays marin, tout d'ajon et de pierre. Aucune branche de verdure au-dessus de leur tête, ni alentour, rien que le ciel immense, où passaient lentement des brumes errantes. Et pour fleurs, des algues brunes que les pêcheurs, en remontant de la grève, avaient entraînées dans le sentier avec leurs filets. Les hivers ne sont pas rigoureux dans cette région tiédie par des courants de la mer, mais c'est égal. Ces crépuscules amenaient souvent des humidités glacées et d'imperceptibles petites pluies qui se déposaient sur leurs épaules. Ils restaient tout de même, se trouvant très bien là. Et ce banc, qui avait plus d'un siècle, ne s'étonnait pas de leur amour, en ayant déjà vu bien d'autres. Il en avait bien entendu des douces paroles sortir toujours les mêmes, de génération en génération, de la bouche des jeunes. Et il était habitué à voir les amoureux revenir plus tard, changés en vieux branlants et en vieilles tremblotantes, s'asseoir à la même place. Mais dans le jour alors pour respirer encore un peu d'air et se chauffer à leur dernier soleil. De temps en temps, la grand-mère Yvonne mettait la tête à la porte pour les regarder. Non pas qu'elle fût inquiète de ce qu'ils faisaient ensemble, mais par affection seulement, pour le plaisir de les voir, et aussi pour essayer de les faire rentrer. Elle disait « Vous aurez froid, mes bons enfants, vous attraperez du mal. Ma douée, restez dehors si tard, je vous demande un peu, s'a-t-il du bon sens ?»« Froid ? Est-ce qu'ils avaient froid, eux ? Est-ce qu'ils avaient seulement conscience de quelque chose en dehors du bonheur d'être l'un près de l'autre ?» Les gens qui passaient le soir dans le chemin entendaient un léger murmure à deux voix, mêlé au bruissement que la mer faisait en dessous, au pied des falaises. C'était une musique très harmonieuse. La voix fraîche de Go alternait avec celle de Yann, qui avait des sonorités douces et caressantes dans des notes graves. On distinguait aussi leurs deux silhouettes tranchant sur le granit du mur auquel ils étaient adossés. D'abord le blanc de la coiffe de Go, puis toute sa forme svelte en robe noire, et à côté d'elle, les épaules carrées de son ami. Au-dessus d'eux, le dôme bossu de leur toit de paille, et derrière tout cela, les infinis crépusculaires, le vide incolore des eaux et du ciel. Il finissait tout de même par rentrer s'asseoir dans la cheminée, et la vieille Yvonne, tout de suite endormie, la tête tombée en avant, ne gênait pas beaucoup ces deux jeunes qui s'aimaient. Ils recommençaient à se parler à voix basse, ayant à se rattraper de 2 ans de silence, ayant besoin de se presser beaucoup pour se faire cette cour, puisqu'elle devait si peu durer. Il était convenu qu'ils habiteraient chez grand-mère Yvonne, qui par testament leur léguait sa chaumière. Pour le moment, il n'y faisait aucune amélioration, faute de temps, et remettait au retour d'Islande leur projet d'embellir un peu ce pauvre nid par trop désolé.